vie est ainsi faite qu'à peine se croit-on au fait de notre existence toute faite, fier comme un Christ en gloire, que bras en croix, cheveux au vent, commence l'irrésistible chute, sans retour ni parachute, on part en vrille, on part en vrille. Perdu comme un pendu sans tête, qui se raccroche à sa corde, et qui d'une voix monocorde, crie dans la nuit à tue-tête, je suis bien là d'être là, et je prie pour que ça s'arrête, je vous le dis de vous à moi, je pars en vrille, je pars en vrille. Scintille, ciel et terre se confondent, ainsi pris entre deux mondes, tel un ludion indécis, pris entre ciel et terre, suspendu haut dans les airs, ravi et un peu surpris, je pars en vrille. Suspendu dans les airs, ravi et un peu surpris, je pars en vrille.